بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كون نمرو 14 par Abou Youssouf عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. كون نمرو 2. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونية شرط لسائر العمل، دي الصلاح والفساد للعمل، ودين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد ترتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبداع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحرمها حتى يجين الحل ففهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجين صارف الإباحة، وليس مشرعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائر العمر كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه هي الأبيات التي تيسر إلى الآن تدرسها. Ça c'est qu'on a pu voir parmi les vers jusqu'à présent. Dans le cours dernier, on a pu profiter de certains bêtes que nous a fait part Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala dans son épître, dans lequel il a dit والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، que الأصل في العادة c'est الإباحة jusqu'à ce que vienne une chose et dévie son jugement qui est l'autorégulation vers une autre chose. Tamam, ça c'est une chose qu'on avait pu voir et on avait évoqué que العادة la coutume tamam c'est كل ما اعتاد عليه الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، c'est toute chose que les gens ont pris coutume de faire tamam parmi les choses qu'ils ont besoin dans leur dunya, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc comme on a pu voir ce genre de qawa'id yani tastafid de min tamam, tu en profites lorsque on vient prétendre tamam l'inverse d'une chose tamam, c'est à la personne qui prétend la chose qui doit ramener le dalil qui prouve que son jugement il a été dévié à un autre jugement, sinon naham baqa ou makan ala makan, c'est-à-dire qu'on laisse la chose yani sur l'origine dont elle est tamam. Donc ça c'est parmi les fawaid de barakallahu fikum de cette qaida là tamam, et on avait pu évoquer de la lille tamam qui montre la véracité de cette qaida tamam. Il y en a plusieurs wa minha qulu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tamam. Donc dans cette aya là comme l'a fait par l'imam Sa'di alayhi rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala il a autorisé tamam, et ils ont déduit cela car Allah azza wa jalla il a créé tout ce qui est en intégralité sur la terre pour nous tamam, c'est-à-dire pour profiter. Pour profiter. Tamam. Donc, l'asl fil l'achia lati, qui sont en dehors de l'ibadat, c'est-à-dire l'adat il akhirihi, tamam, comme on a pu le voir kazalika avec la qa'ada qui était avant, l'asl fil l'achia, tamam, c'est quoi l'ibaha? Et ça rentre dedans kazalika la coutume, parce que la coutume c'est une chose, tamam. Donc, ça c'est le dalil, il y en a qui prouve que naam, l'asl fil l'ada ou l'achia, tamam, c'est l'ibaha, c'est-à-dire c'est autorisé. Ok, ma, et la sunna. Qui se rappelle du dalil de la sunna qui prouve que al-ada, barakallahu fikum, c'est une chose qui est mubah? On a évoqué le dalil du kitab. Qui se rappelle du dalil de la sunna qui prouve cela? Que la coutume, son jugement d'origine, c'est que c'est autorisé. Là, ça c'était plus, on va le voir, inshallah, pour la al-ibada. Da'ouni ma taraktukum. Si vous rappelez, hadith Ibn Abbas, ou plutôt il y a Asar Ibn Abbas, le sahabi du hadith, j'ai oublié, à la kulihan, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il dit وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَا رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَان. Et Allah Azza wa Jal, il s'est tué sur le jugement de certaines choses, tamam, رَحْمَةً لَكُمْ, par miséricorde, pour vous, غَيْرَ نِسْيَان, tamam, et pas par oubli. وَفِي الْأَثَار عَنْ Ibn Abbas, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُ. Et toute chose où le jugement n'a pas été prononcé, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est interdit, l'akhiri, c'est mustahab ou bien c'est makruh, eh bien, yani, c'est afou, c'est-à-dire c'est autorisé, tamam, c'est autorisé. Donc ce dalil-là, tamam, nous prouve kadalika que cette qaida-là, tamam, elle est sahiha, que al-aslu fil ashiya, c'est les baha. Et ça rentre dedans, al-hada, parce que c'est une chose. Ensuite, on a pu voir aussi, parmi la qawa'id, que à travers le bayt dans lequel l'a dit le cheikh rahimahullah ta'ala wa laysa mashru'an min al-umur ghayr alladhi fi shar'ina madhkur, tamam, que les affaires qui touchent à la religion, tamam, ne sont légiférées que les choses dont il y a un dalil, tamam. Et donc ils ont pris cette qa'ada là pour dire que al-aslu fil ibada, tamam, au contraire de la 'ada, c'est quoi, at-tahrim. Qui se rappelle de adillah, tamam, qui appuie la qa'ada et le vers que a cité Cheikh, parmi le kitab, la sunna, elle a évoqué, tam, participant 85, da'ouni ma taraktukum. Tam, laissez les choses comme je vous ai laissé. Eh, naam. Ahsant. Man amila, ou, naam. Man ahdasa, fi amrina shay'un malisamin, shay'an malisamin, fahuarad. Wa kathalika, man amila amana lisa alayhi amruna, fahuarad. Tam, ces deux hadiths-là, qui est rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, dans lequel le Nabi Sallam nous fait part que celui qui innove dans la religion, c'est-à-dire une chose que le Nabi Sallam n'a pas fait, tamam, qu'il n'a pas fait dans le, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, tamam, qui ne l'a pas fait, et bien ces choses-là, elle sera quoi? Elle sera rejetée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de dalil, tamam. Wa kadhalika man amila, tamam. Et lequel des deux hadiths est plus global? Man ahdatha ou man amila? Man ahdatha, tamam. Parce que man amila, c'est pas forcément lui qui l'a. Qui a innové, tamam. C'est pas lui qui est venu avec cette innovation-là. Lakin hamila bihi. Amam man ahdatha, c'est comme si jamais kadhalika, c'est lui qui avait œuvré dessus, tamam, qui a œuvré, parce qu'il va prendre là les péchés de ceux qui l'ont suivi dans le mal, tamam. Comme c'est venu dans le hadith, tamam, que celui qui œuvre en mal, tamam, et ouvre la porte au char pour les autres, il va prendre le péché de toute personne vers laquelle il a guidé vers ce mal, tamam. Donc man ahdatha, c'est aram, tamam, c'est plus global que man hamila. Naam. وكذلك منه قوله سبحانه وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. Tamam, on a pu voir à travers la ayah dans lequel Allah Azza wa Jalla nous fait part que ceux qui innovent dans la religion sont considérés comme des juges, tamam, des juges qui légifèrent dans le din d'Allah Azza wa Jalla des choses qui n'a pas, tamam. Donc là c'est comme si jamais ils s'étaient mis juge avec Allah Azza wa Jal. Et comme on a pu le voir à travers un autre verset, le jugement il revient à Allah Azza wa Jal en toute exclusivité. Comme qu'a dit Jalla wa Ala, "Innal hukmu illa lillah." Le jugement appartient entièrement à Allah Azza wa Jal. Donc celui qui innove des choses qui ne font pas partie dans le din, c'est comme si jamais il avait légiféré, hein, il avait légiféré dans ce din là. Et ça c'est une chose qui appartient à Allah Azza wa Jal. Quel est le jugement? On avait oublié de juger d'énoncer cela. Quel est le jugement de celui qui prétend une chose parmi les hadat, tamam, une chose qui est vraiment considérée comme une hada, comme une coutume, et il prétend qu'elle est interdite, tamam, et il n'a pas de dalil sur cela, et il juge de cette hada là qu'elle est interdite. Quel est le jugement de cette personne là, celui qui prétend cela? Là c'est acquis, il apparaît sans science. Wallah Azza wa Jalla yaqul wa la takfu ma laysa laka bihi ilm, tamam, ne suis pas les choses dont tu n'as pas science. Mais comme on a pu voir à travers la parole de Cheikh As-Sa'di alayhi rahmatullah, que celui qui fait cela, c'est un mubtadi', tamam, celui qui prétend dans une ada, dans une coutume, qu'elle est interdite, il n'a pas de dalil, tamam. La pure hawa, il a dit que c'est un mubtadi'. Pourquoi? Parce que c'est comme celui qui œuvre dans l'ibadah. C'est-à-dire que les deux, ils se prononcent sur une chose sans dalil. C'est comme s'il avait légiféré, il avait jugé dans le din et il avait légiféré une chose. Kaza le cas, ma'ruf, le fait que tu juges d'une chose que c'est interdit, le halal ou le haram, ça appartient à Allah Azza wa Jalla. Comme dans l'ayah, le halal ou le haram, liftaru ala Allah al-kadib. Ne dis pas une chose, elle est halal, elle est haram, alors que tu ne sais pas. Parce qu'il dit ça, c'est comme si jamais tu es en train de forger un mensonge sur Allah Azza wa Jal, comme j'ai fait l'ayah. Naam. Ensuite, on avait pu voir, yani, on avait ramené des petites fawaïdes yani, concernant la al-bid'a. Al-bid'a, ou plutôt la sunnah, on avait évoqué avant cela que la sunnah, elle avait des catégories. Qui peut nous rappeler les catégories de la sunnah? En combien de catégories se divise la sunnah? Si vous vous rappelez, prenez des notes. Inch'Allah, la khalas. Inch'Allah, c'est la chose que je vais accomplir, elle est faite, alhamdoulilah. Donc, Inch'Allah, on va les mettre petit à petit les cours, hein, un par un. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala, l'Irana. Amma, la chose qui m'a empêché, qui m'a préoccupé, alhamdoulilah, je l'ai fini. Al-fi'liya, al-qawliya, al-taqririya, wa tarkiya. Naam, arba. Fi'liya, c'est que le Nabi s'est fait une chose. Qawliya dit une chose, et ça fait d'elle une sunnah. Taqririya, ni le fait. Et il approuve, il approuve une chose qui se fait devant lui. Et kaza le kaesh, tarkiya, c'est-à-dire qu'il délaisse une chose, qui délaisse une chose. Une chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait, une chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait, et qu'une personne le fait. À partir de quel moment on peut juger de cette chose-là, que cette personne-là l'a fait, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait, que c'est une bid'a? Quelles sont les conditions pour juger une chose qui a été faite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il n'a pas fait? Non. Si jamais ils avaient la possibilité de le faire, que la cause elle était présente, la chose, le muqtada comme ils disent était présent, alors dans ce cas là c'est une bid'a, comme on a pu l'évoquer à travers plusieurs exemples, et parmi ceux là le fait de faire l'adhan pour salat al-aidain. Salat al-aidain, il n'y a pas d'adhan et ni iqama. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait la possibilité de faire ceci? Naam. Rien n'empêchait cela, kaza l'éka. Donc le fait de le faire après sa mort, ça c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que c'est une chose qu'il a délaissée. Hein. Et on avait pu évoquer kaza l'éka min bab al-fa'ida, que la sunna at-tarkiya tanqasim la qismain. Elle se divise en deux, une qui est sariha. C'est-à-dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne de délaisser. Comme fait le hadith, da'ouni ma taraktukum. T'as laissé ce que je vous ai, les choses que je n'ai pas faites, hein. Ou bien si jamais sur une chose, yani, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne de délaisser. T'as ça c'est sariha. C'est-à-dire que c'est explicitement dit par le prophète sallam qu'il faut délaisser. Et il y a la tarkiya qui est ghayr sariha, c'est-à-dire que ni le prophète sallam, il n'y a pas un texte qui vient directement, lequel on a déduit cela indirectement, c'est-à-dire que nous on a vu dans la sunnah, lorsqu'on a recueilli les hadiths et ni kazalika, dans les athars de sahaba, on a vu qu'ils ont fait cette chose-là. Et en plus, ils avaient la possibilité de le faire et rien n'empêchait. Donc ceci est un effet que tu peux juger de cette chose-là qu'elle est quoi? Une bid'a, tamam? Ça c'est une bid'a. Naam, kadalika, et que la cause a été présente, naam. Tam, matalan, yani, si jamais, quelqu'un dit, ouais, naam, au jour d'aujourd'hui, on voit les gens utiliser les microphones, tam, les microphones et l'akhirihi, pour faire l'adhan, tam. Ils vont dire que, ces choses-là, le prophète, il l'a pas fait, tam. Donc, le fait de prendre, les microphones avec les enceintes, il a khiri, les mégaphones et tout pour faire l'adhan. Il dit, mais il n'a pas fait, mais pourquoi vous le faites? Donc c'est une bid'a. Comment on répond à cela? Non, mais le micro n'existait pas. Donc il va dire, c'est une bid'a ce que vous faites. Là, il n'y a pas d'empêchement. C'est-à-dire que, il n'y avait pas la technologie qui était présente pour que, il puisse, yani, t'as même profité, employer ces ustensiles-là qui sont, comment s'appelle le micro, et la khiri. Là, la cause a été présente. C'est-à-dire que, il a, certes, il y en a ordonné et recommandé de, au moins, adhan qu'il élève la voix lorsqu'il fait l'adhan. T'am? Fait d'akun ta fi ba'diya, qu'a l'anbi sallam, far faire sa ta kabin nida. Lorsqu'il a dit à une personne qui, dans les contrées, si jamais il est tout seul, il a dit, lorsque vient l'heure de la salah, lève ta voix pour faire l'adhan. Lève ta voix. Donc, le fait que ta voix se fasse entendre, t'am, c'est une chose qui a été considérée dans le char. C'est-à-dire, qu'à zalika, toutes les choses qui vont permettre de, aboutir à ces choses-là. T'am? C'est-à-dire, par le biais des microphones et l'akhirihi. Là, il y a eu un empêchement. Donc, on ne peut pas dire que, naham, c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que, il y avait un empêchement, une chose qui empêchait cela. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la technologie. Donc, ça, c'est une norme à bien prendre en considération. Afan. كذلك من باب الفائدة يعني أرجوتي lorsqu'on dit que نعم les choses que le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas fait il faut pas les faire parce qu'il a pas fait on parle des choses par lesquelles le prophète صلى الله عليه وسلم يعني il avait l'intention de se rapprocher d'Allah عز وجل car il a certes délaissé des choses لكن pas pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et كذلك il a certes c'est pas toute chose je veux dire que le prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a pas fait que ça devienne bid'a c'est-à-dire que lorsqu'on évoque la définition de la bid'a faut faire attention. Faut pas dire que les choses que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas fait, parce qu'il y a des choses qu'il a pas fait, qui sont pas forcément une bid'a, comme مثلا, le fait de lire dans chaque salawat قل هو الله واحد, ça c'est une chose qu'il a approuvé, il a pas fait. Lakin le fait qu'il a approuvé, ça rentre dans la sunna, donc faut faire attention par rapport à cela. Faut faire attention par rapport à cela. C'est toute chose que le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas légiféré. Ça c'est le terme qui est bon et qui est distant de toute reproche de dire que ce sont les choses que le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas légiféré parmi les choses que les gens prennent pour se rapprocher d'Allah عز وجل. Ça c'est la bid'a. Et en réponse par rapport à la question, si jamais quelqu'un il fait une comment ça s'appelle là, il tombe dans la darwara, dans un cas extrême, et la cause qui fait qu'il est tombé dedans, c'est que il a il s'est servi, il a employé une chose qui était haram, Est-ce qu'on avait pu voir à travers la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qu'il dit que celui qui dont la cause qu'il a fait tomber dans la darura c'est une chose qui est haram, il a dit que la yustabahu bihi al mahdhurat, il peut pas s'adonner et profiter de ces choses là qui est haram. La question c'était est-ce que c'est-à-dire que il ne touche pas à ces choses là et en gros, il se laisse mourir. Wallahu a'lam, ce qu'il faut comprendre de la parole de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est pas que celui qui a fait dans le haram, ça a été la cause qu'il est tombé dans la darura, on peut pas comprendre que cette personne-là, il lui a interdit de prendre cette chose-là, qui est même si jamais le haram, afin de préserver sa vie. C'est pas, wallahu a'lam, c'est pas ça le ma'na. Le ma'na, c'est que le fait qu'il est tombé dans la darura avec une cause qui est haram, cette chose-là, qui est haram, il doit la prendre, pour pas se tuer, pour pas qu'il soit la cause d'avoir mis fin à sa vie, voilà, taqtoula anfusakum kama qala jalla wa ala. Lakin, lorsqu'il va s'adonner à cette chose qui est haram, pour préserver sa vie, elle sera pas autorisée pour lui. C'est-à-dire qu'il aura un péché, pourquoi? Parce que la cause qu'il est tombé dans la nécessité, c'est quoi? C'est le péché. Il a fait une chose qui est haram. Donc, il va prendre ces choses-là qui est haram pour préserver sa vie, lakin, elle ne sera pas autorisée comme celui qui tombe dans le cas de nécessité, le cas de nécessité dans lequel qui légifère que tu peux prendre une chose qui est haram, lakin, lui, dans son cas-là, ça sera un péché. Il ne sera pas autorisé pour lui, c'est-à-dire qu'il aura un péché. Wallahu a'lam. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa fiq. Inch'Allah, ça c'est. C'est mon point de vue de la compréhension de la parole de Cheikh l'Islam lorsque tu regroupes les dalils du kilab, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit wala taqtulu anfusakum, ne soyez pas la cause de mettre vous même la fin à vos vies, ne vous tuez pas vous même wala alam inshallah tahtaj nas'al comment s'appelle ahl al-ilm inshallah afin que nata'akkad ahsan, lakin wallah alam, c'est ça la bonne compréhension de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wallah alam. Donc, Inch'Allah, on rentre dans le cours d'aujourd'hui. قال رحمه الله تعالى والخطأ والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. Nouvelle قاعده. Dans laquelle le mualif, رحمه الله تعالى, nous fait part que l'erreur est lorsque tu es dans la contrainte et que dans lorsque tu oublies, ce sont des choses qui font que Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, même ne considère pas, c'est-à-dire que si jamais tu commets une erreur et l'akhirihi, tu es dans la contrainte et que tu fais une chose qui est haram ou l'akhirihi, ou bien tu oublies une chose qui est obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il ne prend pas en considération cela, c'est-à-dire que il ne se sera pas compté comme un péché. وَالْخَطَأُ وَالْإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ أَسْقَطَهُ الرَّحْمَنُ مَعْبُودًا الرَّحْمَنُ. Allah عز وجل, il fait grâce, il fait faveur à ses serviteurs lorsqu'ils oublient ou se trompent ou lorsqu'ils sont forcés, sont contraints. Cette qaïda là, c'est une qaïda qui est Muttarida. Ali Muttarida, sauf pas Naham d'exception. Ali Mustan, Bata. Car Allah Alam, yani, ou même dans certains cas, tu peux la trouver, même qu'elle est Mansousa. Ça dépend de comment il l'évoque. Bardouhum, il évoque, comme on va le voir, Inch'Allah, à travers le hadith de Ibn Abbas, qu'il dit Al-Khata, Wal-Ikra, Wal-Nisyan, Yani Ma'fou Anhu. Directement. Yani, ceux qui prononcent yani, cette qaïda-là sous cet énoncé-là, yani, ça c'est l'énoncé d'un hadith. Donc ça fait de cette qaïda-là, avec ce titre-là, qu'elle est Mansousa, à travers le hadith de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, An al-Nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, a qal, إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه وغيره البيهقي إلى آخره إسم حديث صحيح لغيره الله عز وجل ما في faveur يعني pour ma communauté c'est à dire qu'il a نعم il ne les prend pas lorsqu'ils font commettre une erreur ou oublient ou lorsqu'ils sont contraints وكذلك مما يدل على ذلك مما يدل على صحة هذه القاعدة تام قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تام dans cette aya là il dit que il est demandé à Allah Azza wa Jal que il nous compte pas le péché lorsqu'on oublie ou lorsqu'on se trompe وكذلك قوله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تام l'aya précédente c'était par rapport au khata wa nisyan l'erreur et l'oubli اما cette aya là c'est pour le contraint T'aimes celui qui est contraint, Allah Azza wa Jalla, kazalika, naam, il le fait grâce et il ne compte pas, t'aimes, le péché pour lui. À travers l'ayah, celui, il est permis. Il n'est pas permis de mécroire, excepté pour celui qui est contraint et dont son cœur il est apaisé par la foi. Dans la traduction approchée de cette ayah-là. Man kafara billah, min ba'di imanihi, illa man ukriha wa qalbuhu, mutama'innun bil iman, walakin, man shara bil kufri sadara. Celui qui dont son cœur a pesé d'être contraint sur cela. وكذلك قوله صلى الله قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Dans cette aya là, Allah Azza wa Jal nous fait part que il ne compte pas le péché. تمام فيما أخطأنا به. Lorsqu'on se trompe. لكن ما تعمدت قلوبكم. تمام il regarde les cœurs et leur intention. Si jamais il a eu volontairement fait cette chose-là, il sera pris par rapport à son intention, t'as même. Ah, mais si jamais il n'avait pas l'intention de faire cette chose-là, il l'a fait par erreur, par oubli, il a akhirihi. Qala jalla wa ala, la yu'akhidhukum, laysa wa laysa alaykum junahun, fima akhtatum bihi. Vous n'avez pas de péché, yani, lorsque les affaires sont relatives aux choses que, dans lesquelles vous avez fait des erreurs, ou bien, des erreurs dans la ayah. La kien, ça rentre, qu'elle a les cas dedans, anishyan. Pourquoi? Parce que, al-umda, c'est-à-dire que le péché tourne autour de l'intention qui m'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'mal bin niyat. Les œuvres sont prises en considération par rapport à quoi? Aux intentions. Celui qui a la volonté de faire un péché sera pris par rapport à son intention. Celui qui n'avait pas la volonté de faire ceci, ça rentre dedans, naham l'oubli, kazalika al-khata wa al-kara, et bien celui-là, il ne sera pas pris en considération par rapport à son intention parce qu'il n'avait pas l'intention de faire cela. Tamam? وكذلك من الأدلة التي تدل على صحة هذه القاعدة qui prouve que cette قاعدة là est صحيحة قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أنفسكم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Allah عز وجل il prend en considération, il prend pas en considération les paroles futiles et l'akhirihi que celles que yani, dans les cœurs ils ont une intention. Tamam? ولكن ما كسبت قلوبكم. C'est-à-dire que lorsque ton cœur a l'intention de faire une chose, tu seras pris en considération par rapport à cela. Tous ces dalils-là nous prouvent que cette qaïda-là, elle est sahiha. Que lorsque tu te trompes, ou lorsque naham tu oublies, ou bien tu es contraint, t'aim, yani tu n'auras pas de péché par rapport à cela, car les œuvres, selon leur intention, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, innama al-a'mal bin niyat. Voilà un exemple qui prouve cela, comme dans le hadith Anas ibn Malik. T'aim, la personne qui s'est fait trouver dans un désert et dans sa monture il a perdu sa monture ensuite le hadith d'un peu long il s'est mis sous un arbre et Allah Azza wa Jal lui a fait grâce que sa monture allait revenue et il était tellement content qu'il s'est trompé faqala naham Allahumma anta rabbi ou Allahumma anta abdi wa ana abduk. Il a dit je suis ton seigneur et tu es mon serviteur. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. تمام, il s'est trompé tellement il était joyeux et content d'avoir retrouvé sa monture. تمام, il a remercié Allah عز وجل. Il a dit اللهم أنت عبدي وأنا عيش وأنا ربك. تمام, celui qui dit cela volontairement, il a mécru. تمام, il sort de l'islam. لكن الخطأ, تمام, celui qui s'est trompé, تمام, il n'est pas pris, sa parole n'est pas prise en considération, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de péché par rapport à cela. Et la dilla yani amthala par rapport à ça, ils sont beaucoup, ils sont plusieurs. Ils sont nombreux plutôt. Wal-ikara, al-ikara, c'est-à-dire d'être contraint, tam, elle a ses conditions, tam, la contrainte. Dans l'islam, il y en a comme beaucoup de choses, elle a ses conditions, elle a ses normes afin d'être pris en considération et vraiment, et afin que kadhalika les jugements qui sont relatifs à cela, tam, ils s'appliquent. Al-ikara, il y en a parmi les conditions de l'ikara, c'est que la personne qui te contraint, qu'elle soit capable d'exécuter les menaces qu'elle t'a avisées. T'as même, si c'est un petit qui te contraint d'une chose, tu sais que vraiment yani, il n'a pas la capacité, tu n'as pas le droit de répondre à la contrainte. T'as même. Le fait que tu répondes à la contrainte, yani, tu seras jugé en fonction de ce qu'implique ta réponse. T'as même. Si jamais tu as répondu à la mécréance, eh bien, la personne sera sortira de l'islam, jamais c'est une bid'a, et la khiri, tamam. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle n'est pas mukrah. Tamam, elle n'est pas mukrah. Lakine, il a répondu à des simples petites menaces dont la personne n'est pas dans la possibilité d'exécuter. Tamam. Wa kadhalika an takuna, an yakun plutôt et tahdid fil al-hal. Tamam, que lorsque la personne elle est menacée, elle est dans la contrainte, tamam, la khiri, que cette chose-là dont il est contraint, tamam, dans laquelle il a été menacé, qu'elle se fasse sur le moment, t'as même. Ama celui qui te dit, si jamais tu ne fais pas cela, dans deux mois, je vais te tuer, t'as même. T'as pas le droit de répondre. Pourquoi? Parce que en deux mois, il peut se passer beaucoup de choses. Tu peux mourir avant cela. T'as même la personne kadhalika peut mourir. La personne peut revenir sur ses menaces, il a khiriyi, t'as même. C'est-à-dire que la menace, il faut qu'elle soit concrète, t'as même, et sur le moment, t'as même. Sur le moment. Ama si jamais il met un délai à sa menace, t'as pas le droit de répondre immédiatement, car tu n'es pas encore entré dans le stade de la menace, de la contrainte, t'as même. Wa kadhalika at-tahqiq, que vraiment cette personne-là va exécuter ce qu'elle va faire, t'as même. Si jamais c'est des simples menaces, kadhalika ça rentre pas dans la contrainte, t'as même, ça rentre pas dans la contrainte. Et parmi les dalil qui prouve cela, la qissa de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été éprouvé avec la mas'ala de Khalf al-Qur'an, lorsque les personnes parmi les gouverneurs voulaient imposer à la communauté d'avoir cette aqidah-là, de dire que le Qur'an il est créé, tam, ma'ruf yani, les ulama de cette époque-là, ils ont été éprouvés, tam, c'est-à-dire ils ont été forcés et contraints de propager cette fausse doctrine-là, tam, que le Qur'an il est créé. Et parmi ces personnes-là qui ont été éprouvées, l'imam Ahmed, كذلك محمد بن نور si je me rappelle bien, كذلك يحيى بن معين et كثير من العلماء, تمام, كثير من العلماء معروف يعني ce qui est arrivé à l'imam Ahmed عليه رحمة الله, c'est-à-dire qu'il a fait face à ces menaces là, il a été torturé, il a été frappé jusqu'à tomber dans les pommes plusieurs fois, il a khiri, لكن الحمد لله, il a fait part de fermeté et il n'a pas cédé à la menace. Il a pas cédé à la menace, car comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, le cas de contrainte, il se divise en deux. Tu as des cas de contrainte, si jamais tu réponds, qui sont liés à la religion. Et tu as des cas de contrainte qui sont quoi? Personnels. Celui qui dit, si jamais tu ne me donnes pas ton argent, ben je vais te tuer, et la khiri, ça c'est pas relatif à la communauté. Ama, comme c'était le cas de l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, le fait que lorsqu'il s'est retrouvé tout seul face à ces menaces-là, si jamais il répondait à ces menaces-là, c'est-à-dire de propager cette fausse doctrine là, c'est la umma, tamam, parmi les juhal et l'akhiri, qui aurait pris, je veux dire, le mal, il serait répandu dans la umma. Et dit Cheikh al-Islam et Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, lorsque la menace, tamam, ou l'affaire elle est amma, tamam, elle touche la totalité des musulmans, il dit dans ce cas là la personne elle doit pas céder aux menaces, et parce que là c'est un cas de jihad, tamam, c'est un cas de jihad dans lequel il est demandé qu'il sacrifie sa vie pour Allah Azza wa Jal, tamam, pour élever la kalima d'Allah Azza wa Jal, tamam, pour élever la kalima d'Allah Azza wa Jal, comme c'est le cas, tamam, dans le jihad, comme c'est le cas dans le jihad, la personne a sacrifié sa vie afin d'élever, afin que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute, tamam, soit la plus haute. Et kadhalika Dans ce cas-là, l'imam Cheikh Al-Uthaymin, il voit, et c'est la parole qui est sahiha, que dans ce cas-là, tu n'as pas à céder à la menace, même si jamais les menaces sont concrètes, il a rédit, il va vraiment exécuter ce que, les choses dans lesquelles il te menace. Laquelle, dans ce cas-là, tu n'as pas à avoir de répondre et te plier à la menace, car le mal, il va toucher la communauté. Donc là, c'est comme un mujahid, fi sabilillah azawajal, qui doit sacrifier sa vie aux dépens que la part d'Allah azawajal et sa religion soit préservée. Donc ça, c'est une chose qu'à Zalika, faire attention. À faire la différence entre les choses qui sont âmes et les choses qui sont khas, qui sont particulières. Et pour revenir à ce qu'on disait, Yanni, que la menace, il faut qu'elle soit concrète. Les dalils qui prouvent cela, comme on l'a dit, la qissa de l'imam Ahmed. Lorsque, avec l'imam Yahya ibn Ma'in, alayhi rahmatullah, qui faisait parmi les personnes qui ont répondu à ces menaces-là, c'est-à-dire de dire que le Coran l'écrit, sinon il serait exécuté et torturé à l'akhiri. Donc cette personne, l'imam Ibn Ma'in, il a vu qu'il était dans la contrainte. Il a évoqué par rapport à cela des adillah. Man kafara billah min ba'di imanihi la man ukriha. Il me dit, j'ai été contraint de me croire, mais mon cœur était apaisé par la foi. Lorsqu'il est venu visiter l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, après qu'il a fait part de fermeté pour le remercier de son raffermissement, d'avoir été ferme dans cette épreuve-là, quand il a visité l'imam Ahmed, il était encore souffrant et l'akhiri, dans la convalescence, il est en train de guérir. Il lui a expliqué son cas, comme quoi qu'il n'a pas eu autre choix que de céder à la menace. Et il a pris devant lui l'adillah que je vous ai évoqué, man kafara billah ilakhirihi, et kathalika le hadith de Ammar ibn Yasir, celui qui, dans les premiers jours de la révélation, il a été éprouvé kathalika lorsqu'ils ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il passait à ce moment-là, les gens de Quraysh ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite ils l'ont torturé pour lui dire, en gros, ne suis pas cette personne-là, et il a passé à la menace, et kathalika, son père et sa mère, ils ont été torturé devant lui pour que il m'écroie au prophète sallam, mais il a fait preuve de fermeté. Il dit, kathalika, j'étais dans un cas de barthlofikum, de contrainte. Et l'imam Ahmed, il a tourné sa tête. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris en considération ce qu'il disait. Et lorsqu'il est sorti, l'imam Yahya ibn Ma'in, de la pièce, et là, il s'est plaint, il a dit, l'imam Ahmed, il ne prend pas en considération, Yanni, mes paroles et les preuves que, par rapport à laquelle j'ai déduit que j'étais dans la contrainte. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est sorti, il a dit, il prétend être dans la contrainte, alors qu'il n'était pas. Il dit, il prend comme dalil pour déduire qu'il était dans la contrainte le hadith de Ammar ibn Yasir, celui que je vous ai évoqué, alors que le hadith de Ammar ibn Yasir, dans ce hadith-là, il a été directement torturé. Il n'avait pas affaire à des menaces, ce n'était pas des menaces qui lui ont été adressées. Donc il a voulu prendre ce hadith-là pour dire, il y a une différence entre lorsqu'on te menace et lorsque tu es torturé. Lorsque tu es torturé, tu rentres dans la contrainte. Il dit, amma vous n'étiez pas encore entré dans le stade de la contrainte. Pourquoi? Parce que vous avez été simplement menacé. Donc ça, c'est un fiqh azim de ce imam-là. Il faut que pour que la personne soit prise en considération, qu'elle soit dans la contrainte, qu'il rentre dans le stade de la torture, ou alors qu'il a une forte présomption, qu'il va être torturé, c'est comme si jamais il était torturé, comme on a pu le voir, la forte présomption, elle peut prendre le même jugement, et remplacer la yaqin, même si jamais t'as pas la certitude, la kin, t'as la forte présomption que si jamais tu réponds pas aux menaces, tu vas vraiment être quoi? Torturé à la khiri. Donc c'est comme si jamais t'étais torturé, dans ce cas-là, tu as droit de répondre à la menace. La kin, al-shahid, c'est que il faut vraiment que tu sois dans le stade de la torture, pour être considéré comme quelqu'un qui est dans barthlofikum, qui est dans la menace, et l'imam sahib Fath al-Majid wa kadhalika Sheikh al-Fawzan, ils ont annoté la parole de Sheikh al-Imam Ahmed, ils ont dit ça nous montre le fiqh de cet imam là, il a bien déduit le hadith, on ne peut déduire que de ce hadith là que Ammar, il a été torturé, c'est pour ça qu'il était dans la contrainte et dans le choix de répondre à la menace. Amma, vous n'avez pas été torturé, on vous a juste dit, on va vous menacer, on va vous torturer si vous ne faites pas cela. Donc il y a un farq kazalika à prendre en considération, et un dhabit à prendre en considération c'est que la torture, il faut qu'elle soit concrète sur le moment, tamam, afin d'entrer dans l'ikrah. قال رحمه الله تعالى لكن مع التلاف يثبت البدل وينتفي تأثيم عنه والزلل. Donc il fait suivre cette قاعدة là qui elle a évoqué, dans laquelle il dit al-khata wal-nisyan wal-karah, يعني il n'y a pas de péché pour celui qui tombe dans l'erreur, dans l'oubli, ou qui est contraint. لكن il dit, ça c'est pour l'ahkam, comme ils appellent l'ahkam taklifiya, tamam, taklifiya, c'est-à-dire ta'abboudiya, par lesquels tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. لكن إني رحمه الله تعالى نعم لكن مع التلاف يثبت البدل وينتفي تأثيم عنه والزلل. Donc là, dans ces abiyat là, il va nous faire part d'une chose et restreindre comment ça s'appelle, tout ce qui est relatif à l'oubli et la contrainte et l'erreur, c'est que tu n'es pas t'auras pas de péché, لكن si jamais tu es amené à détruire une chose يعني par erreur, t'as même celui qui مثلاً s'amuser avec son ami, la pousser sans le vouloir, et cette personne elle est tombée sur la voiture, tamam, et la voiture tamam, il a endommagé ou il a cassé une vitre, et la khariji, tamam, il n'avait pas l'intention de casser la vitre, tamam. Là, la kim, ça a été fait par erreur. Est-ce que il a un péché par rapport à cela? Là, tamam, il n'a pas de péché par rapport à cela. La kim, il doit rembourser la vitre, tamam, et rembourser les dégâts qu'il aura fait sur la voiture, tamam, kadalika, parce que c'est les choses là, yani c'est ahkam al-wad'iyya, c'est-à-dire les choses qui sont relatives au bien et à l'akhirihi, t'as pas de péché, lakin tu dois rembourser si jamais t'as abîmé ces choses-là et à l'akhirihi. Ça veut dire que même si jamais tu l'as fait dans l'erreur, cette erreur-là, elle fait pas que t'as pas à rembourser les dommages et à l'akhirihi. C'est juste par rapport au péché. Lakin, si jamais, par cette erreur-là, ça a impliqué que tu as endommagé une chose, tu dois la réparer. Tu dois la réparer, quoi qu'il en soit. T'as pas le péché, lakin tu dois la réparer. Pourquoi? Parce que les amwal et kazalika, ils sont muharram, tabam. T'as pas droit de, comme on a pu le voir, de t'adonner au bien des autres, tabam. Abadan. Donc ce bait là, c'est comme restreint, c'est comme une restriction de la qaida, comme on a pu voir auparavant, tabam. Tu n'as pas de péché, lakin, si jamais tu endommages une chose, tabam, tu endommages une chose, tu dois la rembourser et tu dois la réparer, tabam. Tu dois la réparer. Ça, c'est le sens de ce bait là. لكن مع التلاف يثبت البدل تمام وينفي وينتفي تأثيم عنه والزلل تمام شيء يعني لا بي من شوز يدوا remplacer ces choses là تمام وينتفي التأثيم عنه والزلل ينتفي c'est-à-dire que il sera pas pris, il n'aura pas de péché par rapport à cela, تمام il n'aura pas de péché par rapport à cela, car pour prendre en considération plutôt pour juger du péché, il faut que la personne elle a eu la volonté de faire cela. ربنا لا تؤاخذنا plutôt ولكن ما تعمدت قلوبكم ليس وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. تمام سي سكي بران كونسيدراسيون سي لا فولونتي دي كار. دونك سا سي المعنى دي دو بيت. اون راجوتي اون ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. دو سو بيت لا المؤلف رحمه الله تعالى نو في بار دون اوتر قاعده يعني qui est plus connu sous le titre يثبت في التبع ما لا يثبت في الاستقلال. نعم, il y a des choses que lorsqu'ils sont séparés, tamam, lorsqu'ils sont séparés, tamam, leur jugement sera que c'est interdit, lakin lorsqu'ils vont entrer dans une globalité d'une chose, tamam, في التبع, lorsqu'ils vont être compris dans une chose, et dans son jugement qui est à la base qu'il est interdit, et il sera pas pris en considération. Pour que la qa'ida, cette qa'ida soit un peu plus compris, citons d'exemple, inshallah, afin que ce soit bien compris. Mathalan, c'est ma'rouf dans le bi'a, tamam, dans le bi'a, t'as pas le droit de vendre une chose qui est quoi, majhoula, une chose qui est inconnue. Tamam, ça fait partie des conditions dans la vente. Lorsque tu vends une chose, il faut que cette chose-là soit connue, tamam, soit bien connue, tu l'as bien expliqué, tu as bien décrit cette chose-là que tu vas lui vendre. Amma, si jamais elle est majhoula, elle est inconnue, tamam, ou la personne ne l'a pas vue, il sait pas de quoi ça parle, yani la vente elle est annulée, tamam, parce que on doit vendre une chose, tamam, là yajouz bi' al-majhoul, ça c'est parmi les choses qui sont connues dans les affaires du commerce, tamam. Lakin mathalan, si jamais la personne avait acheté une maison, tamam, achète une maison, elle est déjà là, cette maison là est déjà prête, tamam, les assesses de cette maison là, il n'a aucune connaissance de comment ils ont été faits les ACS, yani, ils ne les voient pas. C'est-à-dire que là, dans cette maison-là, il y compris les fondements. Les fondements, ils ne les voient pas. C'est-à-dire ils sont majhoul, ils sont inconnus pour lui. Lakin, ça, ce jugement-là, qui est le fait de ne pas connaître l'édifice de ces ACS-là et l'Akhiri, il n'est pas pris en considération. Pourquoi ? Parce que là, les ACS, ils sont compris dans une chose, il y en a une globale qui est la maison. C'est-à-dire que là, là, il y a d'or. Ça ne nuit pas le fait qu'il ignore. Il n'a pas vu les ACS. Pourquoi ? Parce que là, c'est vendu, comment ça s'appelle, dans l'intégralité. Donc, si on peut expliquer cela, là, une chose, lorsqu'elle est prise, elle est comprise dans une autre. Son jugement, il peut différencier par rapport au fait que si jamais elle aurait été vendue à part, elle aurait été vendue à part. Laboud, c'est quelqu'un qui veut juste vendre des ACS. Laboud, que la personne-là se rassure et regarde et elle est la pleine connaissance de ces ACS-là. Si jamais c'est vendu en gros, et bien dans ce cas-là, ça ne sera pas pris en considération le fait qu'ils ne connaissent pas la nature de, de ces choses-là. Ça, c'est le ma'na. Afan, hadi al-qa'ida. Yathbutu fi al-taba' ma la yathbut fi al-istiqlal. كذلك مثلا pour que ce soit un peu plus limpide cette qaida là, le fait que tu pries pour une autre personne, c'est ma'rouf, ils disent yani al-ashya al-ta'abbudiyya, les affaires de l'adoration, il y a pas de niyaba, c'est-à-dire tu prends pas la place d'une autre personne, tu pries pas pour une personne. مثلا la personne la paresse a dit tu peux prier pour moi salat al-dhuhr, ça n'existe pas dans l'islam. Chacun doit prier les prières que Allah subhanahu wa ta'ala lui a avisé, tamam. Lakin, mathalan, fait salat yani, le ghayr, la yajouz, tamam. Le fait que tu pries pour une personne, à sa place, tamam, la yajouz. Lakin, on prend l'exemple de celui qui fait le hajj, tamam. On prend l'exemple de celui qui fait le hajj pour une autre personne. Faire le hajj pour une autre personne, c'est ma'rouf. Yani, les adillah sont venus, que tu as le droit de faire le hajj à la place d'une personne, mathalan, qui est morte, l'akhiri, comme a fait le hadith, hajj an ummik, tamam. Fait le hajj yani à la place de ta mère, celle qui n'avait pas ou plutôt n'a pas eu la possibilité de le faire et l'akhiri, tamam. Dans le hajj ma'rouf, dans le hajj il y a salat yani khalfa al maqam Ibrahim, tamam. Là il va prier pour une autre personne, lakin c'est pas une prière yani, je veux dire c'est pas une prière en elle-même, lakin c'est dans le hajj yani, c'est compris dans le hajj, c'est-à-dire que dans le hajj il est compris de faire la prière. Là cette personne là lorsqu'elle va prier pour à la place de cette personne là, tamam. À la base le fait de prier pour une autre personne c'est haram, tam c'est la yajouz, lakin lorsque c'est compris dans une ibada qui est composée de plusieurs éléments, tamam, et ben le jugement il va différencier. Ça c'est kadhalika min al-amthila, parmi les exemples qui éclaircit un peu plus cette qaida là, tamam. Yathbutu tab'an ma la yathbut istiqlalan, tamam. Il y a des choses qui lorsqu'ils vont être compris, tamam, avec d'autres choses, leur jugement il va différencier au jugement qu'ils ont lorsqu'ils sont à part, tamam, lorsqu'ils sont à part. Ça c'est معنى يعني هذه القاعدة تمام هذه القاعدة اسم قاعدة كي أغلبية تمام كي أغلبية كي با نعم كذلك منصوصة المستنبطة تمام مستنبطة اي الأغلبية c'est-à-dire qu'elle souffre d'exception تمام elle souffre de d'exception et parmi les adilles qui prouvent يعني la véracité de cette قاعدة là حديث نعم أبي سعيد وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. C'est-à-dire que نعم la bête celle qui est enceinte, l'exemple يعني d'une vache et l'akhirihi, تم عرف dans l'islam afin de pouvoir يعني t'autoriser de manger la viande تمام d'une bête et l'akhirihi, parmi les choses qui sont halal, parmi les bêtes qui sont halal, il faut que tu l'égorges et tu prononces le nom d'Allah Azza wa Jal, تمام. La bête qui est enceinte, tamam, la bête qui est enceinte, que toi tu veux égorger, tamam. Elle est enceinte, il y a le bébé, l'enfant plutôt, le veau, il est dans le al-janin comme ils disent, dans le ventre de la mère. Dans ce cas-là, tu n'as pas à ouvrir le ventre de la mère et égorger aussi, kazalika, le veau. Le fait que tu égorges, tamam, la mère, la vache, kazalika, ça sera comme si jamais tu avais égorgé quoi, le naam. Le veau, tamam. Ça, kazalika, c'est min al-amthila, elle est parmi l'adilla qui prouve la véracité de cette qaïda-là. Tamam. En temps normal, il faut que t'égorges le veau pour que tu puisses manger sa viande. Lakin, là, t'as pas la possibilité. Donc, le fait d'égorger la mère, تمام كذلك سأبخون لما مجمون pour le veau c'est-à-dire qu'il sera halal تمام ça c'est كذلك من الأمثلة tu vois qui prouve cela que ما يعني يثبت تبعا تمام lorsqu'une chose elle est comprise avec une autre son jugement il va différencier à celui qui l'aura lorsqu'il est compté à part تمام ça c'est parmi la hadith qui prouve la véracité de cette qaida là تمام et كذلك parmi الأمثلة تمام qui éclaircit la qaida là Inch'Allah, on va se contenter de cela, Inch'Allah. S'il y a des questions par rapport au cours, ou sinon, au prochain cours, Inch'Allah, on poursuivra. Wa iyyakum, Inch'Allah. Wa fikum, barakallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa alaykum. Ma'a tahiyyati dammaj.fr.com Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين